Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107 FM. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022, c'est Christ, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre, vous êtes bien sûr en direct, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux Guillaume, Alain et Robert, respectivement directeur, vice-président et président de la société musicale de l'Eutoli, qui sont là pour nous parler de la société musicale de l'Eutoli, des projets ainsi que de tout ce que nous pouvons y faire et y trouver, etc., etc. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Pas trop mal. Parfait. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle ? Alors, Alain Bombarde, président de la Société Musique de l'Eutoli. D'accord. Guillaume, directeur musical de la Société de l'Eutoli. Robert, vice-président de la Société de l'Eutoli. Musical, pardon, de l'Eutoli. D'accord. Et bien que nous développerons le sujet tout au long de cette heure d'émission, pouvez-vous présenter en quelques mots toujours ce qu'est la Société Musicale de l'Eutoli ? Donc, la Société Musicale de l'Eutoli, la première société musicale, parce qu'il faut savoir que celle-ci fait partie de la deuxième, la première Société Musicale de l'Eutoli a vu le jour en 1947 jusqu'en 1962 pour cause manque de directeur. Il n'y avait plus de directeur. Donc, la société musicale a été mise en sommeil jusqu'en 89, au jour où un ancien musicien de la première société, qui s'appelait Gilles Gaspard, a lancé un défi au chef de musique Dédé Jacquot à l'époque. Ce sera le futur chef de musique, puisque Dédé, il était parti comme directeur à la ruine de Vambruyère. Alors Gilles, il a lancé le défi à Dédé Jacquot de remonter une société de musique au Toli. Et celle-ci, elle a commencé en 89... Non, 79. 79, tu as raison. Excuse-moi. Oui, non, ça t'a bien fait. Avec 7 musiciens, dont Robert a fait partie... D'accord. Il y avait aussi, pour ne pas les citer, René Létang, Gilles Gaspard, Dédé Durand, bien sûr, le petit Robert, et puis c'est que j'en oublie, je crois bien. Louis Marin. Louis Marin, voilà. Et puis Pierre Leroy. Oui, voilà. Pierre Leroy. Pierre Leroy. Alors, et puis, donc, en 80, vraiment, ça a été là qu'on a redémarré avec les statuts de nouvelles sociétés de musique. Et on a fait nos 40 ans de cette société-là en 2020, au concert de 2020. Voilà. D'accord. On a été, il ne faut pas l'oublier, on a été jusqu'à 37 musiciens. Maintenant, on tourne à une vingtaine. Et puis, voilà, on recrute, mais... ça n'a pas l'air de trop vouloir venir. Voilà, quoi. Sinon, on a une bonne petite équipe. Il y a une convivialité qui est vraiment pas négligeable. Et puis, on espère la garder, cette convivialité-là. Voilà. Voilà un petit peu l'historique de la société musicale de maintenant. Voilà. D'accord. Alors, je vais rebondir là-dessus. Par rapport à la société, c'est vrai que cette convivialité, c'est très important. Mmh. C'est le contact humain. Le noyau. Voilà, tout le noyau. Alors, je vais quand même dire qu'ils ne sont pas que présidents. D'accord. Alain, président, il joue du saxophone baryton. Et Robert, vice-président, il joue du saxophone alto. D'accord, donc vous êtes du coup tous les trois musiciens en même temps de la société musicale. Voilà. D'accord. Et du coup, quelle est, on va dire, la différence entre une société musicale et une école de musique ? Alors, la société musicale, c'est un orchestre. D'accord. Voilà. Et on fait de la pratique... Instrumentale. Mais, oui, on fait de la pratique collective. Voilà, c'est de la pratique collective. Là, en école de musique, on apprend à jouer de la musique. Voilà. D'accord, donc là, ok, c'est là qu'on fait du coup toute la différence. Et donc, Du coup, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, et donc pour faire partie de la société musicale de l'Etoli, est-ce que vous avez fait peut-être des études de musique ou pas du tout? Est-ce que c'est en total autodidacte? Bon, alors pour moi, j'ai fait 2 ans de solfège organisé par Dédé Jacquot à l'époque. Et de cela, à l'époque, j'avais 41 ans, j'en ai 74. Alors, 74 moins 41, ça fait 33 ans. Voilà. D'accord. Et quand j'ai débuté le solfège, j'avais 41 ans. Parce que, il ne faut pas oublier que moi, j'ai commencé comme tambour en 54. J'avais un petit tambour à l'époque, un petit tambour pour les gosses. Quoi. Tu me l'avais jamais dit, ça. J'ai fait donc partie de cette société de musique jusqu'en 62, toujours comme tambour. Et j'ai redémarré en 79 et 80 à la Caisse Claire. Jusqu'au jour où le répertoire du chef de musique changeait, et j'ai bien vu que moi, ben, j'étais mis de mon côté, parce que dans les morceaux d'harmonie, des caisses claires, il n'y en a plus trop, et puis voilà, alors je me suis dit, mais pourquoi pas que tu n'apprendrais pas le solfège. Et voilà. D'accord, ok. Et puis en plus de ça, comme je suis costaud, le chef il m'a dit, Alain, tu auras un saxo bariton. Bon, j'ai pas osé lui dire, ben oui, forcément, parce que j'ai une grande gueule, mais c'était un peu ça, quoi. Voilà. Et du coup, Guillaume, est-ce que vous avez fait des études musicales? Alors, moi, j'ai vécu pendant 23 ans à Paris, en région parisienne. J'ai fait partie d'un orchestre militaire. D'accord. La musique des sapeurs-pompiers de Paris, voilà, pendant 15 ans. D'accord. Et j'ai fait le conservatoire, voilà, un diplôme d'études musicales, voilà, c'est tout un cursus complet. Et j'ai aussi passé un diplôme d'état de professeur de musique, spécialité de jazz. D'accord. Et donc du coup maintenant, Robert, est-ce que vous avez fait des études de musique? Ah oui, je suis rentré à la musique du Toli en 53. D'accord. J'ai appris le solfège avec Monsieur Martin, Paul Martin, 2 ans. Mais à l'époque-là, on jouait des parts doublées. Et depuis, on a perdu quand même beaucoup, puisqu'on a arrêté. Enfin, j'ai fait de la musique à l'armée. D'accord. Je faisais partie de la nouba, comme à Épinal, la nouba qu'ils ont dans les tirailleurs. Alors j'étais saxo. Et raïtiste. La raïta, c'est un instrument arabe qui ressemble au biniou, si on veut, breton. D'accord. Mais qui est très criard. Et on jouait des parts doublées avec ça. D'accord. À l'armée, j'ai fait que ça. Quand je suis rentré d'Algérie, bien sûr, j'ai fait que ça, de la musique. D'accord. Donc du coup... Mais, il m'a manqué beaucoup de solfège. Surtout, actuellement, comme on fait maintenant des... C'est plus des parts doublées, c'est plutôt rare, hein, Guillaume. C'est plutôt des... Comment on dirait? Des morceaux d'harmonie. Des morceaux d'harmonie. L'orchestre d'harmonie. Hein. D'accord. Qui sont bien plus compliqués que les parts doublées, bien sûr. D'accord. Mais on en joue toujours des parts doublées. Notamment pour les cérémonies patriotiques et D'accord, on parlera du coup de toutes les différentes cérémonies, etc., les manifestations dans lesquelles vous jouez. Donc, du coup, si je comprends bien tout ce que vous me dites, la musique a toujours fait partie de votre vie à tous les trois. Toujours. Oui. Ok. Oui. Et donc, du coup, la Société musicale de l'Etoli, c'est une association? C'est un statut associatif? Oui. D'accord. Loi de 1901? Oui. D'accord. Et donc, du coup, donc, comme on l'a dit en début d'émission, donc vous, Guillaume, vous êtes le directeur. Et puis, il y a du coup Alain et j'ai oublié votre nom, désolé. Alain Robert. Et Robert qui êtes du coup vice-président et président. Donc, du coup, comment avez-vous défini qui aura quel poste dans l'association? C'est-à-dire que les présidents, il y en a eu pas mal depuis 1980, quand la société musicale a vu le jour. Il y a eu Claude Huguenin, il y a eu Christian Remy, il y a eu Daniel Pierre, il y a eu Raphaël Jacquot, il y a eu Gilles Gaspard, Et moi, j'ai remplacé Gilles Gaspard. Ça doit faire 28 ans que je suis président. D'accord. Voilà. OK. Et il y a toujours eu un vice-président. Alors, les vice-présidents, il y a eu un nommé Jean-Claude Demangel. Avant, je me rappelle plus qui c'était. Enfin, peu importe. Jean-Claude Demangel qui a disparu, ben, je vous dis, ça fait 9 ans de ça. Ça fait en 2014. Oui. D'accord. Voilà. Et de ce fait, c'est Robert qui a assuré le rôle de vice-président. Mmh. Voilà. Quant aux directeurs, ben c'est pareil, des directeurs, on n'en a pas eu 50. La première société de musique, donc, avant qu'elle ne capote faute de chef, c'était Paul Martin, le directeur. Mmh. Deuxièmement, la deuxième société de musique, ça a été Dédé Jacquot. Et suite à une maladie incurable, il est décédé. C'est David Remy qui a repris la succession. David Remy qui nous a quittés il y a 3 ans, je crois, pour des raisons de travail. Voilà. Et c'est Guillaume qui a pris le relais. D'accord. Jusqu'à ce jour. Ok. Et donc, du coup, on en parlait avant cette émission. Donc, Guillaume, vous êtes le directeur et vous êtes également le chef d'orchestre ? Oui, bah c'est pareil. D'accord. Directeur artistique, musical, chef d'orchestre, voilà. D'accord, c'est la même chose. Donc c'est moi qui choisis les programmes, qui fait les répétitions, qui organise les concerts, okay, voilà. D'accord, ok. Et donc, du coup, comme son nom l'indique, la Société Musicale de l'Autoli, c'est une association de musique. Mais quel type de musique ? Est-ce que c'est de la musique classique, du jazz, un autre style ? Est-ce que vous pratiquez peut-être tous les styles ? Tous les styles. D'accord. Et c'est une volonté de pratiquer tous les styles et de ne pas vous limiter qu'à quelques-uns ? Bah, il faut par rapport au public pour lequel on fait des concerts, il faut différents styles de musique et des fois des choses connues. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, comme dans toutes les associations, il y a du coup des adhérents, des bénévoles, du coup. Mmh. Est-ce qu'il y a également des salariés ? Ou est-ce que vous êtes tous bénévoles ? On est tous bénévoles. Salariés ? Le chef. Guillaume, du coup, vous êtes le seul salarié de la société. Ouais. Ok. Sinon, nous, c'est du bénévolat de X temps. Oui. Voilà, c'est tout. D'accord. Et pour intégrer la société, l'association, est-ce qu'il y a un âge minimum et un âge maximum ou est-ce que tout le monde, tous les âges peuvent intégrer ? Ah oui, tous les âges. D'accord, donc vous avez aussi bien des enfants que, du coup, des personnes un peu plus âgées. On va dire de 7 à 87 ans. D'accord, oui, c'est bien aussi. Donc, du coup, il est 14h, presque 14. Avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans la première fréquence musicale que vous m'avez envoyée, Guillaume, et que nous écoutions un morceau sur lequel vous travaillez actuellement, mais ce n'est pas vous qui jouez dans les sons que vous m'avez envoyés. Et du coup, nous allons écouter, pour commencer, un morceau qui s'appelle John Williams in Concert. Voilà, donc j'imagine que John Williams, c'est le musicien, je suppose. Oui, c'est le compositeur. Le compositeur, et c'était lors d'un concert, enfin voilà. Donc c'est un morceau sur lequel vous travaillez, mais du coup, il est un petit peu long, donc je ne sais pas, je vais peut-être le couper à un moment, on verra, je vais voir. Donc voilà, on écoute John Williams in Concert, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. vous êtes de retour sur Radio Guémozo. J'ai coupé un petit peu la musique 3 minutes avant la fin, parce qu'elle dure quand même un peu plus de 7 minutes, je crois. Voilà, vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement. C'était John Williams in concert. Et sur notre site internet également, vous nous écoutez, ou encore sur notre application Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Guillaume, Alain et Robert, respectivement directeur, vice-président et président de la société musicale de l'Etoli, qui sont là pour nous parler de la société musicale de l'Etoli, des projets de la société, ainsi que de tout ce que nous pouvons y faire. Ça va toujours ? Oui, oui, parfaitement. Super. Donc, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Y a-t-il une raison particulière, de, outre que c'est un morceau sur lequel vous travaillez, pour avoir choisi, du coup, d'avoir écouté ce morceau ? Alors, pourquoi ? Alors, j'ai choisi ces trois morceaux parce qu'on les travaille actuellement. J'ai choisi le thème cette année, les musiques de films. Mmh. En effet, j'ai reconnu Star Wars, entre autres. Voilà. Exactement. Entre autres. Il y avait E.T., il y avait... Voilà. Voilà. Et donc, voilà. Donc, du coup, on va reprendre cette émission. Donc, combien y a-t-il de concerts par mois et ou par an à la société musicale de l'Etoli ? On dira pas des concerts, on dira des manifestations, plutôt. D'accord. Bon, en manifestation, on va dire, vraiment musicale, on peut partir sur trois manifestations à l'année. Voilà. Et puis, il y a toutes les cérémonies patriotiques, voilà. Chaque fois qu'on est sollicité pour aller à droite ou à gauche, si on peut, on y va. Voilà. D'accord. Et du coup, en faisant... mes recherches en préparant cette émission, j'ai cru comprendre qu'avec du coup la société musicale de l'Etoli, il peut vous arriver de jouer par exemple dans des églises ou des paroisses lors de certaines célébrations. Ça nous est arrivé, oui. On est allé jouer, bon, Guillaume, tu n'es encore pas là, on est allé jouer à Schlimmenhill. Justement, on a assisté à la messe, parce que derrière la messe, il y avait l'inauguration de la stèle des AFN, le même jour. On est allé à Dossel aussi, pareil, pour une cérémonie patriotique. Sinon, à Réopal. À Réopal aussi. Mais bon, à Réopal, je dirais qu'il y a pas mal de musiciens qui vont à côté de l'église, quoi. Bon. C'est tout. Ça fait partie du jeu. Voilà. Sinon, si on est. Ça nous est déjà arrivé de faire aussi des concerts à l'église. À l'église du Toli. Mm-hmm. Lors voilà. de mariage, peut-être On y est allé, quoi. Oui. Une ou deux fois pour des mariages. Oui. L'enterrement aussi. D'accord. Pour Stéphane Jacot. Oui. Christine aussi. Voilà. Oui. Sinon, voilà. Quoi. On a été joué à Dossel aussi, tiens, à l'église, si tu te souviens. Oui. On a fait un concert là-bas. On a fait un concert aussi. Oui. Et là, moi, je vais rajouter quelque chose par rapport à l'église. On y va quand même une fois par an pour fêter notre sainte patronne, la Sainte Cécile. Eh oui. Ah, tout à fait. Voilà. Tous les ans. Voilà, à la même époque, en général fin novembre, début décembre. Cécile. Voilà. On fait il y a l'office de la messe, on joue pendant la messe et après on a un bon gueuleton au restaurant. Voilà. Mm-hmm. Après la messe, on fait quand même 2-3 morceaux. Oui. D'accord. Pour se mettre en bouche. D'accord. Et du coup, est-ce que la société musicale de l'Etoli a, on va dire, des morceaux originaux que c'est elle, du coup, qui crée de A à Z, ou est-ce que c'est que des reprises ou autres ? En général, c'est que des reprises. D'accord. Ouais. C'est pas, vous avez, peut-être que l'envie n'est peut-être pas forcément là de faire un morceau de A à Z ? Je sais pas. De créer, vous voulez dire, oui. De créer quelque chose. Oui, de créer un morceau unique, on va dire. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends des choses qui existent. D'accord. Et je les adapte. Mm-hmm. Voilà. Ça m'arrive souvent, souvent les intros de concerts, qu'elles soient assez courtes, où il y a des morceaux, des fois que... Voilà, je simplifie un peu, voilà, parce que il y a des fois des difficultés, il y a des... Voilà. Et donc, au fur et à mesure des répétitions, voilà. Mm-hmm. Ouais. Et comme on en parlait tout à l'heure, du coup, la société musicale de l'Etoli accueille tous les âges. Et du coup, est-ce qu'on va dire les répétitions, est-ce que c'est tous les âges sont là, ou est-ce qu'il y a des répétitions pour les plus jeunes et ensuite pour les plus âgés? Non, c'est mixé. Mixé, d'accord. Ah oui. D'accord. Et je vous disais de 7 à 87 ans. Michel. Oui, Michel, ouais. Mmh. Ah, oui. On est trois anciens. Trois anciens, ouais. D'accord. J'ai vu, pareil, en préparant cette émission, qu'il y a souvent un jeune homme qui est là pour les répétitions. Je ne connais pas son nom, je vous avouerai, mais sur les photos, il est souvent là, donc sur votre page Facebook. Alors, il y en a un qui est souvent là. Mmh. Il joue de quoi? La batterie. Je peux regarder en même temps, il n'y a aucun souci, je regarderai pendant... Ça doit être Mathieu. Mathieu, c'est un de nos percussionnistes, avec Didier. Voilà. D'accord. Je ne sais pas, là, je l'ai en photo, je vais juste tourner l'écran en direct, voilà, pour que vous puissiez voir. Attendez, voilà, je fais tout en direct. Ouais, c'est Mathieu. C'est Mathieu. C'est Mathieu. Voilà. Ouais. Et ben voilà. Donc c'est... On s'est pas trompé. Ouais, on s'est pas trompé. Ouais. Un garçon courageux, il est là à chaque répétition. D'accord. Il est là tout le temps, lui. Tout le temps. Et donc, du coup, au niveau des répétitions, quand est-ce qu'elles ont lieu, et au niveau des horaires également, quand est-ce que se passent les répétitions? Alors, les répétitions, c'est le vendredi. D'accord. De 20h à 22h. D'accord. Voilà. Et en général, quand le concert, parce qu'on a notre gros concert de l'année, quand le concert approche, on en rajoute le samedi après-midi. Mm-hmm. Et du coup, en règle générale, du coup, c'est, même s'il n'y a pas forcément d'événements ou de manifestations, il y a quand même des entraînements, des répétitions. Répétitions tous les vendredis. D'accord. Ok. Pour préparer. Alors, de temps en temps, par exemple pendant les vacances, on en fait un sur deux. Et puis, en général, des fois, après les concerts, il n'y a pas de répétition. Mmh. Une petite semaine de repos, du coup. Exactement. Et, hop, j'ai perdu ma trame. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos statuts de directeur, de vice-président et de président de la société musicale de l'Etoli? Est-ce que vous avez quelque chose qui vraiment, que vous préférez faire à la société musicale? Alors moi, c'est de partager, j'irais, ma passion avec les musiciens. D'accord. Leur faire découvrir du répertoire, des nouveaux morceaux, et puis de partager, comme on disait, cette convivialité, de partager le verre de l'amitié, voilà, de se retrouver, et, voilà, de faire des choses ensemble. Mm-hmm. C'est le plus important, ça, de qu'on fasse des choses ensemble. C'est vraiment la condition presque impérative pour que ça se passe bien. C'est quelque chose de, on le fait ensemble, c'est quelque chose de collectif. C'est un orchestre, on est un orchestre, c'est soudé, un orchestre. Quand on monte les morceaux, faut que les gens soient soudés. D'accord. Et donc justement, on parlait un peu plus tôt que vous pratiquez du coup tous les styles de musique, aussi bien musique de film, etc. Et du coup, comment vous décidez quel morceau vous allez interpréter justement? Alors, suivant, en général, on choisit un thème. Voilà. Donc cette année, c'était musique de film. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est pour ça que il y a eu John Williams. Différentes. J'ai choisi. Il y a Ghostbusters. Oui. Voilà. D'accord. Et donc voilà, on choisit un thème chaque année. Et après, les morceaux, on les garde pour l'année, pour faire notamment le concert de Réopal. Voilà. Mm-hmm. Et donc, du coup, je vous ai posé la question suivante, mais sans demander justement ce qui plaît le plus à Alain et à Robert, du coup, à la société musicale. Donc, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Disons que, faire partie de la société musicale, c'est un... Je ne veux pas dire que c'est un devoir, mais c'est un fait que j'apprécie, parce que on fait partie d'une association qui, de par cette association... fait vivre un petit peu le village lors des fêtes patriotiques, par notre concert, une fois à la salle des fêtes et une fois dans l'église. Donc on participe à la vie, je dirais, la vie associative de la commune. De la commune. Voilà. Et puis aussi, il faut dire une chose, c'est un passe-temps, c'est une passion. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est se retrouver aussi, comme nous les anciens, on ne va plus au boulot, plus rien du tout, mais on aime bien de se retrouver un peu avec des jeunes et puis avec les anciens aussi. C'est pour moi personnellement, c'est ça. Partager vos connaissances aux plus jeunes. Oui. D'accord. Mais j'aime quand même la musique. Bien sûr. Parce que je serais pas, j'irai pas à la musique à l'auto-oli, rien que pour regarder. Tant que je peux jouer, je continue. Voilà. Est-ce que justement vous direz que c'est un peu votre exutoire, quelque chose qui permet de vous défouler la musique? Un peu, oui. Ah ben oui. Bon, je fais autre chose entre-temps. Je suis peintre aussi. D'accord. C'est pareil, on fait partie d'une amicale. C'est pareil, c'est pour se retrouver aussi. Mm-hmm. Changer des idées et tout. Bien sûr. La musique aussi, on change les idées, ça nous change les idées. Mm-hmm. Et souvent, c'est quand même convivial, voilà. Bien sûr. Quand on lit, c'est convivial. J'ai même vu sur votre page Facebook qu'il vous arrive, par exemple, de temps en temps, de partager un petit barbecue dans une salle, voilà, par exemple. Ben, tout à fait, oui. Oui. Barbecue, soirée patate. Là, on était un peu dérangé avec le Covid, bien sûr. Bien sûr. Puisque là, on vient d'annuler le concert. Le reporter. Le reporter, pardon. Le reporter, oui. Le temps que les conditions s'améliorent. Oui. D'accord. Donc, il est 14h30. Donc, avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale, dans un deuxième morceau que vous m'avez envoyé, Guillaume. Un morceau de Ted Huggins. Huggins, je ne sais pas comment ça se prononce, avec le morceau Choral and Rock Out. Voilà. Pareil, c'est un morceau assez long, donc peut-être que je le couperai avant la fin. Voilà, il est en deux parties, ce morceau. D'accord. Deux parties. Et on a du coup les deux parties dans ce que vous m'avez envoyé. Oui. D'accord. Alors, je verrai bien, peut-être le couperai, peut-être que je le laisserai entièrement. On verra, ce sera la surprise. Donc du coup, on écoute Choral and Rock Out de Ted Huggins, du coup, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo. C'est parti. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM. Vous venez d'écouter Je recherche le titre, donc du coup Choral and Workout de Ted Huggins. Voilà. J'ai, comme pour la première pause musicale, je l'ai coupée vu qu'elle est un petit peu longue. Donc si vous voulez l'entendre entièrement, vous tapez sur internet Ted Huggins Choral and Workout et vous trouverez. Mais ne vous en faites pas, la troisième pause musicale, je la laisserai entière vu qu'elle est plus courte. Donc voilà. Et donc, du coup, vous êtes bien sûr toujours en direct. Il est 14h36 déjà. Et donc, je suis toujours en compagnie dans nos locaux de Guillaume, Alain et Robert, respectivement directeur, vice-président et président de la société musicale de Le Toli, qui sont là pour nous parler de la société musicale, des projets, ainsi que de tout ce que nous pouvons y faire, y trouver, etc., etc. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie ? Oui. Très, très bien. Très bien. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi ce morceau en particulier, c'est aussi une musique de film ? Alors, ce morceau, à la base, on l'a joué pour notre Sainte-Cécile. Voilà. Il était prévu depuis longtemps. D'accord. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas le rajouter dans notre concert. D'accord. Donc, justement, vous parlez de Sainte-Cécile, donc c'est la sainte patronne des musiciens, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Et donc c'est important pour vous de l'honorer tous les ans, voilà. Elle veille sur nous. Tout à fait. D'accord. Super. Et donc nous parlions du coup un peu plus tôt dans cette émission que vous pouvez jouer dans des cérémonies, etc., etc. Et en parlant de cérémonies, vous avez également joué, me semble-t-il, pour une cérémonie de pompiers. Alors c'est au 14 juillet. D'accord. Mmh. Voilà, les pompiers, Robert, il peut rebondir là-dessus aussi. Et on a joué au Toli parce que je crois que c'est une histoire de Covid. Oui. Encore. C'est une histoire de Covid. Voilà. Robert, si tu veux. Oui. À cause du Covid, normalement, toutes les sections des pompiers se retrouvent le 14 juillet à Gérardmer. D'accord. Mais comme il y a eu le Covid. Et ils ont dit, on laisse les sections faire leur 14 juillet chez eux. Et c'est pour ça qu'au Toli, ça s'est trouvé, que le 14 juillet s'est trouvé au Toli, et ils nous ont demandé si on voulait bien jouer quelque chose. Donc on a accepté. D'accord. Voilà le. Mais autrement, les autres 14 juillet, ça se passe à Gérardmer. D'accord. C'est un groupement, hein. C'est le groupement de montagne, donc c'est Gérardmer le noyau. D'accord, donc quand vous êtes à Gérardmer, est-ce que c'est dans une salle ou est-ce que c'est dans les rues géromoises d'où que... Ah non, c'est dehors. C'est... Ouais. La manifestation se fait dehors. D'accord, comme ça permet de... Surtout quand il fait soleil, quand il fait beau comme aujourd'hui d'ailleurs, j'imagine que c'est très agréable de jouer du coup. Mais en général, toutes les cérémonies patriotiques, elles se déroulent dehors. Voilà. Elles sont en général à côté du monument aux morts, oui. Voilà, au monument aux morts du village. Stèle. Là aussi. Mm-hmm. Et donc, est-ce que justement, ça vous est déjà arrivé depuis que vous êtes présent à la société musicale de Le Toli de refuser des manifestations qu'on vous propose, ou est-ce que pas du tout, est-ce que vous jouez dans tout ce qu'on vous propose dans la limite du raisonnable, bien sûr. Je ne me souviens pas qu'on en ait refusé. Alors, des fois, ça peut-être arriver si on n'a pas un effectif assez conséquent pour. Mais en général, on dit jamais non parce qu'il y a toujours ce noyau. Je vais revenir sur la convivialité, ce noyau de musiciens, une vingtaine de musiciens pour. Les gens sont toujours là, ils répondent toujours présents et ça, c'est agréable. J'imagine. Et donc, est-ce qu'il y a justement un nombre minimal à partir duquel vous jouez, et puis en dessous que c'est pas forcément possible ? Alors, après, ça dépend des instruments qu'on a. D'accord. Voilà. Il faut quand même un ou deux instruments dans chaque pupitre. Voilà, il faut quand même du... Il faut du chant. Il faut du chant, il faut la mélodie, il faut un peu de basse, la percussion. Et... Grosso modo, en dessous une douzaine, un peu plus. Oui. Ouais. D'accord. Voilà. Oui, une douzaine, ouais. Mm-hmm. Et donc, est-ce que, enfin, du coup, chaque musicien joue plusieurs instruments ? Ou est-ce que... Pas forcément. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est pas obligatoire. Non. Alors après... Voilà. Il y a des musiciens qui vont jouer plusieurs saxophones. Voilà. Parce qu'il y a dans les familles des saxophones, il y en a plusieurs. L'alto, le ténor, le baryton et le soprano. Voilà. D'accord. Et justement, à la société musicale de l'Etoli, quels sont les instruments qui sont représentés? Alors, nous avons clarinette, flûte, saxophone ténor, saxophone baryton. Nous avons trompette. Nous avons le phonium. De temps en temps, nous avons un trombone et la percussion. D'accord. Puis l'alto. L'alto et le saxophone alto. Voilà. Voilà. Du coup, vous, Guillaume, en tant que chef d'orchestre, directeur de la société musicale de l'Etoli, est-ce que vous jouez également de l'instrument? Alors, moi, je suis batteur. D'accord. À la base, je suis batteur. Et vous jouez de la batterie à la société musicale? Non. Non, je joue pas de la batterie. Moi, là, je dirige uniquement. Je fais que de la direction. Ça m'est déjà arrivé de jouer la caisse claire parce qu'il n'y avait pas du tout de percussionniste. Mmh. Je l'ai déjà fait pour notamment une Sainte-Cécile. Le 8 mai. Je l'ai même fait pour une Sainte-Cécile qui avait. Il manquait des gens. Et, oui. Et donc voilà. Sinon, voilà. Moi, je joue de la batterie en dehors de la société musicale. D'accord. Et du coup, c'est un choix de votre part de juste diriger à la société musicale? Oui, c'est un souci. Ben, alors, au départ, c'est vrai qu'il y a eu, quand il y a eu ce recrutement de chef, Alain, tu peux, si tu veux. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au démarrage, enfin, au début de l'émission plutôt, quand David a décidé de quitter le Toli pour son travail, ben, on s'est retrouvé sans chef de musique. Mm-hmm. Et donc, sans chef de musique, ben, la société n'existerait plus. Et voilà, donc Guillaume, je ne sais pas comment se fait-il, bon, ça doit être par les bruits de couloir que le Toli recherchait un chef de musique, je pense. Alors moi, c'est un mail que j'ai reçu. Un mail? Un mail qui a été envoyé à ma femme. D'accord. Voilà, ben oui, non mais... À Isabelle, qui est professeure du saxophone et qui... joue aussi à la société musicale de l'Etoli. Oui. D'accord, bon, on la salue, si jamais elle nous écoute, on passe le bonjour du coup à Isabelle. Et quelles sont selon vous les qualités requises pour être un bon musicien ou une bonne musicienne? Faut surtout le solfège. D'accord. C'est très important. Et puis l'instrument, bien sûr, mais quand on a déjà une bonne formation en solfège, on se débrouille bien. Mmh. D'accord. On voit les jeunes qui arrivent, qui ont fait l'école de musique, ils mettent pas longtemps pour déchiffrer un morceau. Mmh. Tandis que nous, on pédale. Hein. Oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi le doigté. Il faut dire une chose, si t'as manié un manche de pioche tout un après-midi, ben le soir sur tes touches, t'es déjà moins à l'aise. Hein. Mm-hmm. Oui. Oui, mais on y arrive quand même. Oui, on s'en sort. Oui. Ouais. Bien sûr. Quels sont vos objectifs à travers l'association, donc à travers la société musicale de l'Etoli? Est-ce que c'est de promouvoir la musique, de donner envie aux gens de vous rejoindre, ou quel est l'objectif ou les objectifs de l'association? Le premier objectif, c'est déjà pour notre satisfaction à nous. La satisfaction aussi, comme je disais tout à l'heure, pour la commune, de faire partie de la vie associative de la commune. Et puis, récupérer des jeunes s'ils veulent venir avec nous. Et puis, voilà. Voilà, des jeunes groupe. Et des plus anciens. Des moins jeunes. Des moins jeunes, oui. Non, oui. Mais voilà. Parce que... On accepte toutes les candidatures. Voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Ah oui. Et la convivialité. Exactement, c'est le maître mot, du coup, j'imagine, à la société musicale de l'Etoli. Et justement, avec la société, il vous arrive même de parler d'obad. Qu'est-ce qu'une obad? Alors... L'obad, c'est-à-dire que quand on fait en général, quand on fait une cérémonie, mm-hmm. on nous demande toujours au moment du vin d'honneur de jouer quelques morceaux, voilà, relativement, je dirais, courts, et voilà, sur des airs connus, et voilà. C'est pas des longs morceaux d'harmonie comme on fait dans les concerts, c'est des morceaux un peu plus courts. Bon, une rubade aussi qu'on peut considérer comme une rubade, c'est le feu de singe. Oui, voilà. D'accord, ok. Et du coup, combien coûte l'adhésion à la Société Musicale de l'Etoli? Est-ce que c'est un prix exact ou est-ce que c'est un peu au bon vouloir, on va dire? Ben, ça dépend ce qu'on appelle par prix. D'accord. La logique veut que, d'après la loi de 1901, que tous les musiciens, y compris le chef, payent une cotisation. Voilà. Partant de là, c'est à nous d'ajuster la cotisation. D'accord. Ok. Et si vous ne deviez dire qu'une seule chose pour encourager les gens à vous rejoindre, est-ce que du coup ça serait le mot convivialité ou est-ce que vous diriez autre chose? En premier, la convivialité. D'accord. En deuxième, aimer la musique. Voilà. Partager la vie en groupe, partager des choses. Ensemble. Voilà. Oui. Être ensemble. Voilà. Être ensemble, du coup, comme vous le dites. Et justement, vous parliez un peu plus tôt, Robert, puis même tous les trois, du contexte sanitaire avec la crise Covid, etc. etc. Donc la crise sanitaire qu'on connaît depuis plus de 2 ans maintenant, ça commence à se faire long. Est-ce que, du coup, à part, même si c'est assez conséquent, annuler un concert, est-ce que c'est pas trop compliqué pour vous de vous réunir, de jouer, de vous produire sur scène ou lors de manifestations? Non, je vois pas, même qu'on ait reculé le concert, que ça va nous gêner. Non, pas du tout. Parce qu'il faut savoir que si on organise un concert, c'est déjà pour notre plaisir de jouer, hein, de se produire devant un public. Si il n'y a pas de public, bon, on va quand même faire notre concert. Mais en retour, on n'aura aucune satisfaction. Bien sûr. Parce que la première satisfaction quand on organise un concert, c'est de voir la salle se remplir. Et quand la salle elle est remplie, ben, c'est notre première satisfaction. Et puis la deuxième, c'est la réussite du concert. S'il n'y a pas de couac, comme on peut dire, eh ben on peut dire que le concert est réussi à tous les niveaux. Voilà. D'accord. Et t'as vu où qu'il y en avait des couacs que... Quelquefois, ça arrive. Ils sont cachés. Ce qu'on appelle couac. Hein. Ils sont cachés, non? Voilà, ils sont dissimulés. En on n'est pas professionnels, hein. Faut pas l'oublier. Bien sûr. Non, mais c'est ça, voilà, c'est notre première satisfaction. Hein. Et puis, aussi, il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est de rapporter un petit peu d'argent à notre société. Aussi. Bien sûr, voilà. Pour la faire vivre. Voilà. Et du coup, justement, pour la faire vivre, est-ce que, du coup, vous bénéficiez également des subventions, de certaines subventions ou... Oui, on touche une subvention de la part de la commune tous les ans. Voilà. D'accord. Voilà, pour que l'association puisse vivre. Exactement. Donc, il est 14h49, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que vous m'avez envoyée également, Guillaume, et que nous écoutions cette fois-ci, je vais rechercher le titre, September Herald de Paul Murta, c'est ça? Voilà, et donc on en parle juste après, donc ce morceau je vais le laisser jusqu'à la fin vu qu'il dure un peu plus de 2 minutes, donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. September Arranged par Paul Murta, du coup, sur Radio Guémozo. Donc, vous êtes donc de retour. Vous êtes toujours en direct. Il est 14h, presque 52. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/ et sur notre application Orange Radio partout en France et également dans certains pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Guillaume, Robert et Alain, respectivement directeur, vice-président et président de la Société Musicale de l'Eutoli, qui sont là du coup pour nous parler de tout ça pendant encore quelques minutes. Voilà. Donc tout va toujours bien ? Oui. Parfait. Très bien. Parfait. Et donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales. Vous êtes habitué désormais. Pourquoi ce morceau ? Alors, comme vous avez dû le reconnaître, c'est un morceau d'un groupe très connu. Mmh, en effet. Et quel groupe, justement ? Quel groupe ? Le son me dit quelque chose, mais de là... C'est Earth, Wind & Fire. C'est ça. Voilà. Earth, Wind & Fire, donc, c'est la musique qui est jouée dans Les Intouchables. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est musique de film, donc... Voilà. C'était le bon moment. Tout à fait. C'est vrai que la musique me disait quelque chose, elle me parlait, mais de là à retrouver le nom du groupe, je l'avoue, j'aurais pas retrouvé. Et donc, du coup, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Est-ce qu'on a fait le tour ? Bah, pour moi, je ne vois pas qui. On a pas mal fait le tour déjà. Hein. Mm-hmm. Ben moi, je dirais, pour un petit peu conclure, s'il y a des gens qui sont intéressés, des musiciens qui veulent venir, on les accueille avec grand plaisir le vendredi de 20h à 22h. Voilà. Justement, on peut peut-être... En dessous la poste. En dessous la poste. À l'Eutoli, du coup. À l'Eutoli. Mais voilà. Avant, ils peuvent prendre rendez-vous soit auprès de Guillaume ou auprès d'Alain Bombardin. Voilà pour. Ok, bah voilà. Donc, du coup, si nous voulons justement vous suivre et suivre l'actualité de la Société Musicale de l'Eutoli, comment est-ce qu'on peut faire ? On a notre page Facebook. La page Facebook. Et voilà. Et sinon, de temps en temps, quand il y a les concerts, on est sur le site de la mairie. D'accord. De l'Eutoli. Donc la page Facebook, la Société Musicale de l'Eutoli. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Bah de jouer, oui. De jouer, c'est voilà. Important, oui. de pouvoir faire des concerts, qu'on puisse faire le concert, le concert, qu'on puisse faire notre concert, voilà, un grand concert de l'année, qu'on puisse reprendre une activité voilà. Comme on avait avant le c'est Covid, ça. Voilà. Exactement, bien sûr, exactement. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Eh bien, moi, je voudrais remercier Radio Guémozo de nous avoir accueillis. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de venir dans vos locaux. Voilà. Je ne m'attendais pas du tout. Et ça a été une grande première pour moi de participer à une émission de radio. Ben voilà, donc avec plaisir. Et c'était également un plaisir du coup de vous recevoir tous les trois. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier Guillaume, Alain et Robert d'avoir merci. Accepté mon invitation. Cette émission, sera rediffusée demain à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail, Guillaume, si vous voulez la récupérer, la partager, merci etc. beaucoup. Etc. Merci. Concernant la suite, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60 d'ici quelques minutes. À 15h, qui nous parlera du célèbre groupe Les Beatles. Voilà. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Emmanuel Georges, producteur de Supermouche Productions, qui nous parlera de Supermouche Productions et de tout ce qu'ils y font. Voilà. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup, je vous dis à demain. Donc salut et à demain. Merci à vous. Au revoir. Merci.